Chapitre 2. Deux jours après, il y eut un mariage dans la ville de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Quand il ne resta plus de vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Est-ce à toi, femme, de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. » La mère de Jésus dit alors au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 de ces vases de pierre que les Juifs utilisaient pour se laver selon leur rite. Chacun d'eux pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit, « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » Ils lui emportèrent. Le maître de la fête goûta l'eau qui s'était changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit, « Tout le monde sert d'abord le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ses miracles à Cana en Galilée. Il fit apparaître ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il se rendit à la ville de Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y restèrent que quelques jours. Comme la fête juive de la Pâque était proche, Jésus alla à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ces paroles de l'Écriture, « Mon amour pour ta maison, ô Dieu, brûle en moi comme un feu. » Alors les Juifs lui demandèrent, « Quel miracle peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtirai. » « On a mis 46 ans pour bâtir ce temple, lui répliquèrent les Juifs, et toi tu vas le rebâtir en 3 jours. » Mais le temple dont parlait Jésus était son corps. Quand Jésus revint de la mort à la vie, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. Pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous très bien. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qu'il y a dans leur cœur.